Anthropologie, suite. Quand elle a terminé son travail, Faustine passe toujours un moment avec Cathy et Dorothy au bar du Napoléons. Elle partage les derniers potins et, accessoirement, un verre de vin. Ce soir, quand elle arrive, les filles sont sous le choc. On vient d'annoncer un nouvel enlèvement d'enfants à la télévision. C'est le troisième depuis le début du mois. Une psychose se propage dans le district. Cathy a entendu dire que la plupart des enfants volés étaient des nouveau-nés. Des femmes en mal d'enfants viendraient se servir dans les maternités. Dorothy, de son côté, connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un dont la belle-sœur de la cousine se serait fait voler son bébé dans un supermarché. Le temps d'aller chercher un truc dans le rayon d'à côté, et hop, plus de bébé. Faustine n'y croit qu'à moitié. La maman a dû s'arrêter plus longtemps pour bavarder, ce n'est pas possible autrement. Sans compter qu'un bébé, ça pleure vite. Il n'empêche, les bruits circulent à la vitesse de la lumière. Il se murmure que des gangs seraient sur le coup, faisant commerce de ses enfants, comme autrefois les Romanichels en Europe centrale. D'autres prétendent qu'il s'agirait plutôt de se procurer du matériau pour prélèvement d'organes. Faustine s'interroge. Ces révélations infondées lui font froid dans le dos, mais si on y réfléchit, prélever des organes sur un nourrisson, quel intérêt? À moins de planquer les 10 enfants et de les cultiver en serre dans un endroit ultra secret jusqu'à obtenir la bonne taille d'organes. Mais alors autant les enlever plus tard, non? L'Amérique est décidément un pays étrange et ses habitants déroutants. Mais s'ils espèrent, avec ses horreurs, lui ôter toute envie de maternité, c'est peine perdue. Afin de poursuivre leur intégration, Donald et Colleen, enfin surtout cette dernière, les invitent chaque fois qu'ils organisent une fête de famille. Donald déplace son énorme grill barbecue au bord de la piscine. Colleen fait cuire des pommes de terre en papillote dans son four géant et des épis de maïs doux dans une eau frémissante salée. La viande, principalement du bœuf, est disposée à côté du chef. Donald troque son chapeau de cow-boy contre une vraie toque de cuisinier. La viande est extraordinaire. Du bœuf de toute beauté. Du filet dont on devine qu'une cuillère suffira à le découper. À côté, il y a des pork ribs, travers de porc. Énorme! Que ça sent bon! Maxime et Faustine, apéro en main, surveillent les préparatifs de près en salivant. Soudain, devant leurs yeux horrifiés, Donald se met à asperger le charbon de bois, sans doute avec du pétrole vu l'odeur désagréable qui s'en dégage. À ce stade, les deux amis espèrent que la viande ne sera pas corrompue, espoir rapidement déçu quand Don, continuant sur sa lancée, badigeonne les viandes d'une sorte de purée noirâtre à l'aide d'un gros pinceau. Les mâchoires largement déboîtées, il s'interroge. What is it? Qu'est-ce que c'est? La meilleure sauce barbecue qui existe, vous m'en direz des nouvelles. Don s'affirme fièrement, malgré sa toque légèrement de guingois après le 4e ou 5e bourbon. Catastrophé, Maxime et Faustine se regardent en douce. Où sont-ils tombés? On ne leur avait pas fait celle-là. Ils pensaient les White, grands voyageurs devant l'éternel, civilisés. Comment ont-ils pu se tromper à ce point? Plus loin, au bord de la piscine, Royce et Walt, respectivement fils et gendre de Don, sont en train de se lancer leurs bébés respectifs comme des ballons. Ils s'amusent beaucoup. Les nourrissons un peu moins, semble-t-il, bien qu'ils ne crient pas. Ils ne rient pas non plus. Le syndrome du bébé secoué n'a pas encore été diagnostiqué. Heureusement, ils les rattrapent toujours sous l'œil désabusé de leur génitrice. Leurs mâles vont-ils se décider à grandir un jour? Il fait chaud, les verres s'emplissent au fur et à mesure. Un air de country music, nasillement et washboard à l'appui, rappelle à ceux qui l'auraient oublié qu'on est bien dans l'Amérique profonde. Le tableau est complet. Écœuré, le couple francophone, sitôt servi, touche son repas du bout des lèvres. Ce n'est pas si mauvais, mais ça aurait été tellement mieux cuit sur un feu de sarment, juste agrémenté de sel et de quelques herbes. Une révélation pour Faustine, cependant, les pommes de terre au four avec de la crème aigre. Elles dégagent un parfum extraordinaire. Ce petit goût acidulé, nappant le féculent rustique, est vraiment délectable. Le maïs doux est intéressant aussi, elle n'en avait jamais goûté. On pique les pies à chaque extrémité, avec des bidules protège-doigts, on le roule sur une plaque de beurre, on sale et on grignote sans se presser. Rien que cela serait suffisamment rassasiant. Pour le dessert, apple pies, brownies, muffins et cheesecakes se succèdent entre glaces et salades de fruits. Ne poussez pas, il y en aura pour tout le monde. La fête finie, chacun rentre chez soi avec systématiquement grand sourire Colgate à l'appui. Le traditionnel « Take care », « Prends soin de toi » et « Call upon arrival » prévient dès que tu arrives qu'on sache que tu es sain et sauf. Voilà un automatisme qui restera longtemps gravé dans la mémoire de Faustine. Un acte altruiste totalement paradoxal de la part de gens si pragmatiques et matérialistes qu'ils sont persuadés que leur valeur humaine équivaut celle de leur bulletin de salaire et ou de leur assurance vie. Faustine observe et apprend beaucoup lors de ses petites sauteries. D'autres collègues de bureau s'aventurent également à les accueillir. Ils y auront mis pas mal de temps et d'hésitation. Religion ? Il est de notoriété publique que Faustine et Maxime ne fréquentent aucune église. Morale ? Du fait qu'ils ne sont pas mariés ? Maxime pense que si les ingénieurs instructeurs nouvellement engagés ont attendu avant d'inviter le vice-président et sa compagne, c'est qu'il voulait être sûr que Maxime ne les trahirait pas auprès de Dan si jamais une critique devait dépasser leurs lèvres dans le feu de la discussion. Lorsqu'enfin ils se dégèlent, Faustine fait connaissance avec une galerie de personnages assez fascinants. Parmi leurs nouveaux amis, il y a cet instructeur qui a reçu un ballon de baseball sur la tête et qui, depuis, voit des éclairs en permanence. Il ne se plaint pas. Les médecins lui donnaient 3 ans à vivre, il y a de cela 15 ans. Faustine salue la résilience. Par contre, elle n'arrive pas à admettre que les médecins, si arrogants, soient d'une telle incompétence face à ce phénomène. Une autre fois, ils sont invités chez l'une des secrétaires de la compagnie, toute fière d'accueillir ce couple exotique. Chose assez rare, elle est bonne cuisinière. Las, en fin de soirée, l'alcool ayant coulé à flot, la voilà désinhibée, en veine de confidence. Et de raconter à Faustine en aparté et sans aucune pudeur ses déboires conjugaux. Parmi ceux-ci, la manière dont son mari espérait provoquer une fausse couche alors qu'elle était enceinte de 7 mois, en lui sautant sur le ventre à pieds joints. Faustine ignore totalement comment réagir à de tels aveux. C'est ignoble. Elle est affreusement mal à l'aise. Le coupable, dans un coin du salon, n'a rien entendu, tout occupé qu'il est à flatter Maxime. Si seulement cette femme voulait bien s'arrêter de débiter ses horreurs, il pourrait rentrer chez eux. Là, elle n'ose plus partir de crainte qu'on l'accuse de manquer de compassion. Finalement, il n'aura servi que de dépotoir, pense la jeune femme bouleversée. Quelques semaines plus tard, autre collègue, autre invitation. Un jeune ingénieur noir, nouvellement engagé, de loin le mieux éduqué de tous, qui confie avec beaucoup d'honnêteté les épreuves traversées tant au lycée qu'à l'université du simple fait de sa couleur de peau. Lui aussi est reconnaissant d'avoir été engagé par Don et Maxime. Ce n'est pas toujours évident en Virginie. La Caroline, d'où il vient, et la Georgie ne sont pas loin. Le Ku Klux Klan y sévit toujours. Suite à ces expériences, tant Maxime que Faustine déchantent. Eux qui avaient tant cru à la suprématie du peuple américain commencent sérieusement à réviser leur jugement. Début septembre, Maxime rappelle à Faustine qu'elle doit préparer son retour en Europe aux environs du 20 octobre. Si elle prend son billet tout de suite, elle peut espérer obtenir des prix corrects. Ce qui intéresse la Miss, c'est d'avoir le trajet le plus direct possible. Washington Dulles, Paris Charles de Gaulle étant l'idéal. Hélas, c'est beaucoup demandé. Faustine ne gagne pas assez au restaurant, loin de là. Il lui faudra quand même accepter de repasser par Bruxelles ou Londres, malgré les pénibles heures d'attente en transit. Ordre est donné à une secrétaire compétente de faire au mieux. Faustine n'arrive toujours pas à se faire comprendre au téléphone, alors que Karen et Pamela sont championnes pour trouver des loafers, billets bon marché. Le bébé de Bridget est né, avec un tout petit peu de retard, mais tout s'est superbement bien passé. À la maison. Faustine va les voir et admire le bel enfant dans son berceau. Elle a apporté la corbeille à layette qu'elle avait faite pour la fête de Warrenton et qu'elle n'a jamais vendue. Bridget est radieuse, son fils est magnifique et très calme. Elle avoue à Faustine qu'elle ne remettra plus les pieds au restaurant. Son compagnon ayant eu une augmentation, elle n'a pas besoin de retourner travailler pour le moment. « Quelle chance !» pense Faustine tout en lui disant « Tu me manqueras !» Et plus vite qu'elle ne le pense. Philippe, qui lui a son grand désespoir muet, vient d'avoir une troisième fille, a engagé deux chefs mâles. Or, même s'ils essayent de faire bonne figure à Faustine au début, bien vite ils rejettent cette Frenchie dont ils redoutent d'éventuelles capacités supérieures aux leurs. Une femme, qui plus est. Alors, le mobbing commence. Oh, des petites choses au début. Refaire une sauce ou un fond plusieurs fois de suite. Mais ensuite, les critiques acerbent et surtout les moqueries se succèdent. Un jour, la coupe est pleine. Faustine n'en peut plus. En larmes, elle monte chez Philippe et lui raconte tout. Le pauvre ne sait que faire. Il promet de parler à son équipe. Il le fait, mais cela ne sert à rien. Le harcèlement continue, empire. La goutte d'eau qui fait déborder le vase, c'est quand l'un des chefs ordonne à Faustine d'éplucher 2 kilos d'ail. La jeune femme se munit d'un couteau, mais aussitôt l'homme l'arrête, le lui prend des mains et lui montre à main nue comment faire. C'est vrai que ça va beaucoup plus vite. Le problème, c'est que l'ail est acide. Après une dizaine de gousses déjà, Faustine sent des brûlures au bout des doigts, exacerbée par le frottement des fines pelures. Comme elle se sert aussi des ongles de ses pouces pour fondre l'enveloppe, c'est la peau du dessous qui prend. Quand elle arrive enfin au bout de l'épreuve, ses extrémités, comme ses paumes, sont complètement brûlées. Ses empreintes digitales semblent avoir disparu. Et dans un coin de la cuisine, les deux hommes lui tournent le dos, mais Faustine voit bien leurs épaules secouées. Il rit en silence. Furieuse, elle jette son couteau par terre, prend ses affaires sans un mot, monte chez Philippe, lui réclame sa dernière paye et part en claquant la porte. Jurée, elle ne mettra plus jamais les pieds dans cette boîte de macho. Chez elle, Faustine s'effondre. Elle essaie de calmer la douleur avec divers onguents, mais rien n'y fait. En plus, elle n'a plus rien à boire et pas envie de ressortir. Maxime est parti en Europe depuis le 13, il ne reviendra pas avant la fin du mois. Pour couronner le tout, Patrick, son ami gérant du motel Howard Johnson, est malade. Il ne peut pas la voir sous peine de la contaminer. Il fait presque jour quand, épuisée par toutes ses émotions, elle finit enfin par s'endormir. Au petit matin, les brûlures de ses mains s'étant atténuées, elle décide d'aller voir son ami June à la boutique, puis de passer à la bibliothèque. Elle a appris que Joseph Cronin était mort en début d'année et aimerait bien savoir si elle arrive à lire ses livres en anglais. Elle reprendra un Desmond Bagley par la même occasion et regardera si Gilbert Cesbron a été traduit. Demain, elle ira traîner ses guêtres au bureau. Peut-être qu'elle pourra se rendre utile, on ne sait jamais. Au matin, les filles du bureau accueillent Faustine chaleureusement. Il règne ici une effervescence joyeuse. Don White s'est offert tout un parc informatique. Chacun est désormais pourvu en ordinateur et imprimante, depuis les mecs qui éditent les bouquins jusqu'à la plus humble secrétaire. Les machines à écrire sont reléguées au dépôt, ipso facto, et ça court dans tous les sens à la recherche des modes d'emploi et ou des claviers. Anglais, bien sûr. Faustine met son nez partout, serre de petites mains pour transporter les écrans, les imprimantes, et essaie de comprendre quelque chose au logiciel fourni sans méthode. Quand les filles tentent l'écriture d'une lettre, elles voient leurs mots partir dans les limbes sans espoir de retour. Elles n'ont aucune idée de la manière de contrôler la mise en page. Quand la machine plante, c'est pire. Une petite lumière verte s'allume et clignote en haut de l'écran, qui reste noir. Bienvenue dans le monde merveilleux de l'informatique.